Du noir, du blanc, du cinématographe en noir et blanc. Cette semaine, nous avons regardé Citizen Kane et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Citizen Kane de Orson Welles. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Greg. Bonsoir. Et c'est encore le concours 2HDP avec nos deux gagnants que vous avez déjà entendus la semaine dernière. Bravo, on les réapplaudit. Merci au public. Voilà, c'est cool, ça résonne, on a l'impression qu'on est plus de 3. Ti, bonsoir. Bonsoir. Et Jonas. Bonsoir à tous. On ne vous présente plus, les gens vous adorent. Nous avons déjà recueilli cette semaine des milliards de témoignages. En votre faveur. Ils vous adorent, c'est pas du tout qu'on a enregistré les deux d'affilée. Du coup, on vous a embauché à l'année. Ah. Au revoir Julie. Oh, c'est une blague, évidemment, Julie, si tu les écoutes. Nous avons hâte que tu reviennes. D'ailleurs, les deux invités sont déçus de ne pas faire connaissance. Très triste. Oui, très triste. Cette semaine, on parle de Citizen Kane, de Orson Welles, sorti en 1941, de 119 minutes, avec Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Cumingore, Agnès Moorehead et Ruth Warwick, qu'on connaît tous. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Kane, Charles Foster Kane. I don't know how to tell you about him. There's so many things to say. I'll turn you over instead to the characters in the picture. As you'll see, they feel very strongly on the subject. Charles Foster Kane is... Sure, he started the war. But do you think if it hadn't been for Mr. Kane, the United States would have the Panama Canal? Charles Foster Kane is nothing more or less than a communist! Kane, Governor. Listen, when the voters of this state and Mrs. Kane learn what I found out about Mr. Kane and a certain little blondie named Susan Alexander, he couldn't be elected. Voilà, voilà, c'est très chiant, parce qu'on comprend pas trop. Jusqu'ici, on a tous fait allemand première langue. Hola. C'était basque. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Je vais commencer par celle qui nous l'a imposé ou proposé. Dis. Alors, pour l'anecdote, dans mon enregistrement audio, c'était une blague en fait, Citizen Kane. Je l'avais jamais vu avant. Et donc c'était la première fois que je le voyais et honnêtement c'était vraiment, enfin, j'ai bien aimé. Bah pourquoi tu l'as proposé alors? Parce que je trouvais ça marrant de choisir un bon film justement, parce que je crois que j'ai pas trop compris le concept de l'émission. J'avoue que... Ouais, t'as pas compris, oui. Parce... Ah, il faut parler de film. J'avoue que moi ça m'a un peu séduit cette idée de faire un vieux film déjà, parce qu'on en a jamais fait. Ouais. Et de faire un film qui est considéré comme un chef-d'œuvre, on en a presque jamais fait non plus. Ouais, enfin on en fait tout un pataquès, hein. Franchement, enfin, c'est comme Spider-Man. Non mais des vrais chefs-d'œuvre, à part G.I. Joe, on en a jamais fait. Bah, G.I. Joe, King Rising aussi, hein, qui était vraiment bien. Fast and Furious 7. Et aussi. Ouais, puis en fait les trois quarts des trucs qu'on a fait. Et du coup, alors ça t'a plu? Oui, ça m'a plu et j'ai bien aimé l'histoire et puis surtout un film en noir et blanc, quoi. Ouais. Donc, c'était mais ça avait pas la couleur à l'époque. Ouais. Bon, non, ça arrive plus tard. Hein. Ah merde. Ça arrive plus tard. Greg, mon poste était cassé. Moi, je l'avais vu une fois et pourtant j'étais dans un endroit où j'avais que ça à faire. J'étais coincé dans un bus pendant 6 heures et j'ai maté ça et déjà ça m'avait fait chier. Et là, je me suis dit, ouais, j'étais peut-être trop jeune, je comprenais pas bien l'anglais et tout. Donc là, je l'ai regardé. Et au début, je me suis dit, ah ouais, j'étais peut-être trop con à l'époque. Mais c'est vrai. Et puis au bout de 20 minutes, je me suis dit, non, en fait, c'est chiant. En même temps, regarder à 6 ans dans un bus en anglais, je veux dire, c'est pas non plus les meilleures dispositions pour apprécier. Mais le truc, c'est que c'est un truc historique, tu peux pas vraiment le tailler parce qu'il y a plein de nouveautés et tout. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu chiant à regarder, quoi. Enfin, tu passes des bons moments aussi avec G.I. Joe. Mais là, c'est tout pareil. Jonas. Alors, déjà, je tiens à dire que je suis vraiment fier que 2HDP l'exclue sur ce film. Il sort dans une semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sinon, ouais. On a du mal à se procurer la bobine. Le doublage n'a pas été encore fait, donc. Ouais. Oui. Alors, j'ai vraiment adoré, moi. J'avais bien aimé quand je l'ai vu la première fois. Tu l'avais vu la première fois. Oui, moi, je l'ai vu. Tu l'avais vu deux fois en fait la première fois. Ah oui, je vois plusieurs fois avec le son, sans le son, en couleur, sans couleur, en faisant le poirier, donc, en prenant des puissantes drogues. Non, ça t'a plu, quoi. Ouais, non, c'était bien. Hein. Toi, Mickaël, t'as déjà donné ton avis, hein, il me semble. Non, je crois pas. Non, j'ai pas donné mon avis. Attends, je vais le donner. Déjà, est-ce que t'as eu le bon film? Et oui, j'ai eu le bon film. Pour le coup, j'ai absolument trouvé aucune blague sur la bibliothèque. Ça m'a pas du tout inspiré là-dessus, Citizen Kane. Moi, j'avais déjà vu le film, en fait, il y a longtemps, quand j'étais au lycée. Et là, t'as vu quoi, alors? J'ai vu Casablanca. Là, t'as vu le livre. Le film, je l'avais déjà vu. Non, j'avais déjà vu ce film. Moi, ça m'a fait kiffer de voir ce film. Enfin, de revoir ce film, puisque c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de faire dans 2 heures de perdu. Comme dirait ma mère, ça change. Et du coup, je trouve quand même que c'est quand même un bon film, même si, à mon avis, c'est pas le meilleur d'Orson Welles. Je préfère La Soif du Mal. Hein. Oui, moi aussi. Je l'avais vu au lycée. Excellent, La Soif du Mal. Très bon film. Oui, bah, moi aussi. Il a pas vu. Oui, bah, comme vous, moi. La Soif de l'or. La Soif du Mal. Du Mal. Ah, pardon, je confonds avec le truc avec clavier. C'est Orson Welles aussi, ça. Quant à moi, je ne l'avais jamais vu. J'avais pas trop envie de le mater parce que. Bah, putain, déjà, je pensais qu'il durait 3 heures. En fait, il dure que 2 heures. Un peu comme Greg, c'est-à-dire t'es obligé d'aimer parce que c'est une révolution ce truc. Il y a vraiment un milliard de trucs qui sont incroyables, je pense, pour l'époque. Il y a quelques plans que j'ai trouvé super bluffants, après, même aujourd'hui. C'est joli, hein. Ouais. Et puis c'est vachement, enfin c'est quand même vachement bien. Mais après j'ai trouvé ça un peu. Ouais, voilà, en fait, je trouve que le défaut du film, c'est plus le fond, en fait. Bah, clairement. Pas si intéressant. Il n'y a pas d'hélicoptère. Il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas Vin Diesel. Les bagnoles sont vieilles. Les bagnoles. Les bagnoles, t'as vu ces vieux tacos? Il y a des chevaux. Ça va pas vite. Il n'y a rien qui pète. Il n'y a pas de néon. Les gonzesses, on voit rien. Il n'y a personne. Aucune mise. Aucune mise en maillot, chef. Il n'y a personne qui domine. Ah, pour le coup, Kane il domine. Ah si, si, Kane il domine. Mais ouais, il domine sans baston. Il domine sans baston. Ça, c'est bizarre. Même le flouze, on voit pas le flouze. Pourtant, il en a. Pourtant, il en est blindé, ah, mon pote. Blindé. Le film. Ah, qui résume l'histoire? Je sais qui. Celle qui nous l'a proposé. Que raconte Citizen Kane? Bah, alors, c'est très simple. C'est un documentaire Arte. Puisque ça raconte la vie de non, c'est Charles. Pas sur la Shoah, donc non. c'est un documentaire sur Charles Foster Kane et qui meurt. Et avant de mourir, il dit « Was bad ». Et tout le monde se demande pourquoi. Et il y a toute une enquête autour de ses dernières paroles. Ouais. Voilà. Voilà. Enquête journalistique. Enquête qui va nous amener à faire des flashbacks. Voilà. Beaucoup de flashbacks. Scénaristiquement, c'est vrai que c'est un procédé qui n'avait jamais été utilisé. L'utilisation du flashback tout le temps. Pour une enquête. Qu'est-ce que je fais? Si c'est Julie, c'est pas sympa. le film s'ouvre sur un manoir. Bah, c'est la maison de Scarface en fait, c'est la maison de Tony Montana. Ouais, bah, alors déjà c'est au début j'ai cru que c'était une pub pour Jardiland parce qu'on voit tous les types de grillages possibles. On voit barbelés, entrelacés, on les voit tous. No trespassing. Je sais pas s'ils font du barbelé à Jardiland. Ah, ce qu'on fait avec Prisonland. Pardon, excuse-moi. Et là on pénètre, le spectateur pénètre dans la demeure de Citizen Kane, de Charles Kane. Charles Kane, mmh. Qui est sur Kane. 100 lits de mort. Déjà moi avec tous les couloirs, je crois. Non, j'ai pas du tout pris la parole. J'ai pas fait de blague là. Non. Vas-y. Avec les couloirs, j'ai cru qu'il y avait un mec qui allait arriver avec une hache et faire Danny. C'est vrai que ça fait flipper, hein. Ouais. Ça fait un peu peur. Alors. Comme toutes les personnes âgées, évidemment, sur son lit de mort, il y a une boule à neige. qu'il a eu le temps de secouer. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah après, peut-être qu'en tombant, ça l'a... Non, il l'a secoué. C'est un sacré effet, du coup, quand il meurt. Hein. Mais d'ailleurs, il meurt, il fait tomber cette boule et il dit Rosebud, mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'entendre? Ouais, l'infirmière. En fait. Ouais, si, il y a l'infirmière. Mais même l'infirmière, puisque pendant tout le film, ils disent, ouais, ses dernières paroles. Et à chaque fois, les mecs font, ouais, Rosebud, je sais, ouais. Tu sais, comme si t'étais là, tu sais. Mais ça, c'est quoi, toi? Mais. Mais pourquoi est-ce qu'il va pas interroger la putain d'infirmière alors? Il va jamais la voir. J'avoue. Alors c'est la seule qui a entendu le dernier mot. Non, mais ils savent que. Non, mais elle sait pas pourquoi. C'est pas pourquoi elle a dit. Bah oui, mais enfin bon. Ouais, mais elle connaît pas son passé. Ah, attendez. Je me suis trompé, il a dit Rose Boob, je sais pas. C'est vrai que moi j'ai cru que c'était un peu mal au début. Hein. Alors, petite anecdote, Rosebud ça veut dire bouton de rose. Ouais, bah on a vu le film aussi. Et ça fait un peu référence. Normalement, ça fait référence au clitoris. Anecdote. Alors il fait tomber sa boule à neige. C'est quand qu'elle revient, Julie. Non mais je suis content qu'elle ait pas été là, hein, parce qu'elle aurait dit des conneries là. D'ailleurs, je tiens à ce propos, je pense en tant que je représente tous les auditeurs, j'étais très choqué. Hein, on a formé un syndicat vraiment. Non, ceci dit un petit peu pour édulcorer un peu la chose, parce que moi si tu veux ça m'a tout de suite intrigué. Bien la chose. Oui. Ça m'a tout de suite intrigué. En fait moi j'ai direct fait des recherches sur internet, j'ai pas été suffisamment patient pour attendre. Mais c'est de la fiction, t'as pas forcément, t'as pas trouvé la solution. De... Est-ce qu'il y a eu un montage de toi en train de taper Rosebud dans Google et avec plein de flashs d'articles et tout. J'ai tapé, à l'époque ils avaient pas internet, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir internet. J'ai tapé Rosebud sur internet, je suis tombé sur un forum qui parlait de Citizen Kane. Ah. Qui parlait de Rosebud, exactement. Et on a vraiment le fin mot de l'histoire, je suis désolé, je vais un peu spoiler. Et donc, du coup, il y a quelqu'un sur un forum qui dit mais Rosebud, c'est Perle de Soleil 2 qui nous dit mais Rosebud, c'est quoi c'est quoi un Rosebud, juste pour info. Et donc, il y a Sylvie M qui lui répond c'était une sorte de godanal en acier chirurgical, très mince, avec une grosse boule pour bien tenir à l'intérieur et une sorte de palette qui vient s'afficher sur l'anus pour l'empêcher, sérieux, là. Pour l'empêcher de rentrer complètement. Oh non, fini par l'histoire. C'est bon. Et c'est bon. Voilà, donc alors, là, on va faire un silence, ça va vous permettre de gérer bien la coupe. Tout ce qui vient de se passer. Okay, top. Attention, vous êtes prêts? Rire. Ensuite, le film s'enchaîne sur la présentation de... Tu me remercieras, toi. Sur la présentation de Xanadu. Qu'est-ce que c'est, Xanadu? C'est un médicament. Oui. Je crois que c'est le royaume. Non, c'est. Ouais, alors c'est le royaume Xanadu que. Dans Picsou, il va. Une fois... il y a dans un Picsou Aventure, une fois, il va à la recherche de Xanadu. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec Rosebud. Hein. Alors, Xanadu, en fait, c'est l'empire que s'est fait construire Charles Kane. Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça va être la vie de cet homme qui est méga riche, qui a fait devenir président, qui a eu une vie de dingo. Et en gros, il va dire Rosebud et on veut savoir pourquoi il a dit ça et donc on va retracer sa vie. Et donc ça commence par son espèce d'empire qui s'est fait construire à sa mort complètement dingo. Bah en fait, il y a un passage journal télévisé. Enfin, journal télévisé. Oui, alors, non, mais Jean-Pierre Pernaut, le film s'ouvre sur un documentaire de Citizen Kane. Entre les charentaises. C'est pas menti, hein, c'est vraiment c'est Arte, un documentaire. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un procédé encore tout à fait novateur. Tout à fait neuf. Au début, on va annoncer en fait un petit peu tout ce qui va se dérouler dans le film. Cette donc c'est mise en abyme. Alors j'ai une anecdote. A priori, il aurait fait ça pour éviter que les gens se perdent pendant le film en faisant une histoire. C'est un sommaire, ouais. C'est un sommaire du film. Ouais. En fait. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'est un des premiers films. Avant, il y avait quoi? Il y avait l'arrivée du train en gare de la c'est tout. Et, les gens n'avaient pas l'habitude des histoires aussi longues. Après, il y a Citizen Kane. Et ensuite, je crois que la prochaine sortie, c'était Fast and Furious 6. Il n'y avait pas les six premiers. Ils ont fait le 6 en premier. Après, ils ont fait les autres. Et donc, Charles Foster Kane va mourir. Il faut enquêter sur la vie de Charles Foster Kane. Et là, tu as un débat entre les journalistes. Il faut se renseigner sur ses dernières paroles. Quoi d'autre? Ah, et puis c'est pas tout. Oui, on a pensé qu'on devrait expliquer ces dernières paroles. Monde de merde. Vous avez raison. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrettes. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Merci, c'est pas facile à trouver. C'est sûrement un nom. Si c'est une femme, je veux savoir quelle femme. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Nous, on pensait que ça pouvait être un traîneau. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Dans ce film, le héros meurt au début et des journalistes décident d'enquêter sur ses dernières paroles. Comme dans Citizen Kane. J'appelle ça du plagiat. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Je vois trop arriver. Oh, Rosebud. Très bien joué. Quoi, ça. Il se passe exactement dans ça la classe américaine. Donc c'était dans l'extrait de la classe américaine, le grand détournement. Que... Du coup, j'ai pas pu te le dire parce que je voulais pas que tu devines que j'avais l'extrait. Je l'ai regardé juste après en fait, dans la foulée. Ah, tu la regardes, putain, ça m'a trop donné envie de le remater. Et j'ai hurlé de rire quand il fait. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Et alors, en fait, il y a un truc, je sais pas si vous l'avez entendu. En gros, on spoil tout de suite Citizen Kane. En fait, Rosebud, c'est le nom qu'il a écrit sur le traîneau de la luge qu'il avait quand il était gamin. Et en fait, dans l'extrait que j'ai mis, le patron du journal, il fait qu'est-ce que c'est que cette dernière parole? Si c'est un cheval, je veux savoir dans quel cours. Si c'est un prénom, je veux savoir quelle femme c'est. Et eux, il faut. Nous, on pensait que c'était un traîneau. Genre, les mecs, ils ont directement l'insight. C'est genre... Et voilà, donc c'est. Je vous conseille ces deux films. donc le film s'ouvre sur l'enfance de Charles Foster Kane. Ouais. J'ai rien compris Ah, c'est l'histoire d'héritage et tout. Ouais, j'ai... Alors la mère, elle le vend à un banquier. Oui, c'est ça. J'ai rien bité là. Bah, ça se faisait beaucoup. En fait, c'est vraiment. Ça coûte 50 000 euros. Scène de la DAS, tu vois, où on file le môme un riche, mais ça ressemble plutôt à un kidnapping contre du pognon, en fait, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, le charge, là, enfin, celui qui va prendre, je sais plus comment il s'appelle. Thatcher, il va carrément tirer le môme. Allez, vas-y, viens avec moi, tu vas voir, je suis gentil. Et son père, qui est pas d'accord au début, après, il va faire. Allez, okay. Charlie, vas-y avec le monsieur, tu vas voir, il va être gentil, tu auras peut-être même à nuire. Non, mais ce qui est trop marrant dans cette scène, c'est qu'elle dure genre 30 secondes. Et en fait, au début, ils tentent le bluff avec le gamin. Ils font tiens, Charles, tu vas aller voir au fond de la cour avec machin. Genre, en fait, il va partir avec. Et deux secondes après, le père, il fait mais non, mais c'est tranquille, tu vas juste aller vivre avec lui à New York et tout. T'sais. Genre, ils ont tenté un bluff et après ça, ils s'en battent les couilles. Ils y vont direct. Ouais. Bah, enfin, juste pour résumer, le mec est séparé de ses parents, il va vivre à New York, ensuite il se fait piquer par une araignée. Bien lézard. Bien lézard. Mais ce qui est chelou, c'est que ouais. Bon, bah là c'est la fin du premier flashback. On arrive quand il a 25 balais, un truc comme ça. Ouais. Et donc en fait, il est carrément odieux avec son père adoptif qu'il a jamais aimé apparemment. Bon, on sait pas ce qui s'est passé pendant les 25 ans. Par contre, il garde tout le pognon et il est très content de profiter de son pognon tout en envoyant chier son père, son tuteur, quoi. Ouais, tu vois, ça, c'est un peu bizarre. C'est quoi. Ça, les petits merdeux. Non, mais la thune, il l'a parce qu'en fait, l'endroit où vivaient ses parents, c'était un truc de pétrole. Je crois que c'est une mine d'or, je crois. Alors, une mine d'or, ouais. Ah, mais moi, j'avais pas ça. J'avais pas capté ça. Ouais, c'est bon, mais ça. Parce qu'on regardait la fenêtre. Parce que tu sais, quand il explique et tout, et en fait, derrière la fenêtre, il y a Charles qui court dans tous les sens. Et... Enfin, moi, j'ai rien compris parce que je regardais cette tête. Non, mais en fait, elle a raison. Hyper actif. T'as pas envie de le regarder. C'est hyper dur de lire les sous-titres quand t'as un gamin qui joue avec une luge. Avec la neige, il a pas froid. Ouh, regardez-moi. C'est normal, tu comprends pas. Enfin, alors, c'est vrai. Et je vais vraiment faire les anecdotes ce soir. Ce plan avec le gamin qui joue donc sur l'arrière-plan. C'est deux plans superposés parce que c'était pas possible avec une focale de faire le point sur le gamin. Net, donc du coup et ça va être utilisé plein de fois dans ce film. Et d'ailleurs, ils font un travelling arrière et du coup, il y avait des meubles et en fait, tu vois un mec les remettre. Donc tu vois genre Jean-Claude le technicien. J'ai pas vu ça. Ah ouais. Oh merde. Ah ouais. Ouais, tu le vois. Tu te fous de notre gueule là. Non. Il s'appelait pas Claude. Si tu te fous de notre gueule, on le saura, hein. Et donc ensuite, il a 25 ans, il est hyper odieux avec son père adoptif. Alors, il est assez odieux tout le film. Et là, hein, c'est là qu'il y a, ouais. Y a plus aucune nouvelle de ses parents adoptifs. Jamais, quoi. Genre on les a zappés, lui il est dans la grande ville, il est dans des tours. Alors qu'en plus, c'est 10 ans plus tard, tu sais, il pourrait très bien devenir majeur et faire bah vas-y. Mais surtout, le fait qu'ils soient sur une mine d'or, pourquoi ils peuvent pas garder leur gamin, je comprends pas. Mais moi non plus, ils sont débarrassés maintenant, ils ont du pognon, ils ont plus le mot à charge. Alors, on veut 50 000 $ et en plus, vous prenez le gamin parce qu'il nous fait chier avec sa luge là. Ils sont pas morts dans un accident d'avion. Alors, du coup, il a 25 ans, il se fait chier, il achète un journal, le New York Inquisitor. Oui, il hérite du journal. En fait, il hérite de plein de trucs, il y a plein de trucs qu'il refuse, je comprends pas très bien. Il accepte que la direction du journal. Film, en fait. Mais moi, j'avais sous-titré en anglais, et du coup, en fait, c'est de l'anglais un peu technique quand même. Enfin, pas, c'est pas le même que dans Fast and Furious, je comprenais moins bien. Il n'y a pas de fast. Du coup, c'était plus dur. Et là, je sais pas si, en fait, faudrait m'éclairer là-dessus, s'il hérite de ça de son tuteur ou s'il l'achète. Moi, selon moi, il l'hérite de son tuteur. Hein. Ouais, il doit l'hériter. Bah ouais, il reprend, mais il me semble qu'il reprend. Il reprend l'affaire, ouais. En fait, on a rien compris. Là, on va parler d'un film, on a rien compris. À chaque scène, on va faire. Bon, par contre, après, j'ai pas bien compris. Mais c'est nul, hein. J'ai pas compris, mais c'est nul. Okay. Et ben, c'est ça qui fait qu'un film est nul. Si ça avait été bien fait, on aurait compris. Alors, ensuite, il arrive à l'Inquisitor avec son pote Gébédia. C'est pas mal comme prénom, Gébédia. J'ai un ami qui s'appelle comme ça. Et du coup, il part vivre directement sur place. Hein. C'est genre un peu le Libé de l'époque, puisque. Il va faire que des articles nuit debout qui vont nuire à son père adoptif. Ouais, il a une très grosse. Non, en fait, bah, il revendique son indépendance éditoriale. Il fait sa crise d'ado. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Après, c'est un libéral parce que, a priori, tu travaillais 12 heures par jour au Inquisiteur et il décide que les horaires passent de 12 à 24. Oui, et 24, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. 24 heures par jour, c'est costaud hein, comme rythme. Bah, t'as fait mais ta semaine en deux jours. Il dort sur place. Et il bouffe tout le temps. C'est-à-dire que. Il dit, ouais, j'ai faim. Et puis de temps en temps, il dit 2-3 trucs. Il fait, non, tu me cherches ça. Bon, je le veux bien son job à 24 heures. Ou même à H24. T'es là, tu bouffes du jambon. Tu dis, non, ça me plaît pas. Ah, ça, tu changes. Ça, tu refais. Et là, on va dire ça. Mais j'avoue, il arrive. Il dit, ok, maintenant c'est à moi. Et puis il claque dans ses mains. T'as un mec qui lui apporte un homard. J'avoue, j'avoue, ça fait pas trop trop chier non plus en tant que patron de presse, quoi. Ah, tu bosses que 12 heures par jour ? Eh ben, c'est 24. Elle est où, la maillot ? Mais globalement, tout le long du film, il fait, à chaque fois qu'il prend la parole, il fait un show, quoi. C'est-à-dire que... Ouais. Il fait un show où il met en scène tous ses employés et genre un peu en mode humiliation, quoi, tu vois. C'est-à-dire, toi tu peux pas bouger, t'es coincé parce qu'on prend une photo ou parce que t'es en train d'utiliser une machine, et moi je vais passer devant toi et je vais balancer des punchlines tranquille pendant que tu... Et à ce moment-là, toi tu ne peux rien faire et c'est moi qui prends la vedette. Et en plus, je suis milliardaire, donc si jamais tu me réponds, tu te fais casser la tête et t'es viré. Et je te vire. Il m'a fait un peu penser à Proximo dans Gladiator. Tu sais, Proximo, dès qu'il prenait la parole, il faisait un speech pareil. J'ai oublié ce truc-là. J'ai fait l'impasse. Le mec ne parle qu'en speech. Ils vont faire une déclaration de principe avec JB Diaz, c'est-à-dire ça, c'est bien beau, hein. En tant que patron de presse, on ne dit que la vérité. Ouais. Et ça va, c'est un peu une sorte de préparation paiement, est-ce qu'on dit ça ? Ouais, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça en l'absence de Julien, on peut dire ça. On dit que la vérité. Ouais. Alors il y a un connard qui nous a fait chier en disant ouais, on dit pas préparation paiement, on dit je sais plus en anglais preparation payment ou un truc comme ça. C'est quoi, un truc comme ça. Non mais c'est genre cash in, cash out ou un truc. Sinon on peut mettre. Il est très gentil ce monsieur, il nous donne des précisions sur les termes techniques. Sinon on peut mettre. C'est vrai que je me suis emporté, pardon. Si vous préférez le thème, il y a fusil de Tchekhov. Ah oui, oui, il en parle de ça, le fusil de Tchekhov. Puis comme c'est, il y a un gun, c'est cool. Je crois que j'ai pas vu le même film, je vois pas du tout. Alors après avoir fait la déclaration de principe, ça marche plutôt bien. Ils veulent agrandir et son idée, c'est qu'il y a un journal avec des journalistes qui sont mieux, qui s'appelle le Chronicle. Ouais. Et il se dit moi c'est cela que je veux. Moi c'est celui-là que je veux, c'est Chronicle. Ouais, c'est exactement. Justement à ce moment-là, eux ils sont coincés parce qu'ils sont en train de se faire prendre en photo, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas bouger. Et lui il passe devant, il fait salut, c'est moi. Et quand j'étais môme, j'ai vu ça, j'avais envie. C'était, vous étiez un peu comme une sucette, je vous désirais vraiment. Et aujourd'hui je vous ai. Et les mecs ne peuvent pas bouger. Putain, il abuse, mais d'ailleurs on vient d'arriver, ils s'humilient directement, quoi. Et non, il est pas comme mal le nouvel. Mais non, ce serait pas Orson Welles. Surtout qu'il voit la photo, il se dit oh, j'ai envie d'eux, et après il refait la même. Il refait exactement, puis, je sais pas, c'est remarqué, la même photo, quoi. Personne n'a vieilli, tout le monde a la même coupe, voilà. Alors que la photo a été prise il y a 10 ans, puisqu'il était dedans. Je trouve que les vieillissements sont plutôt pas mal foutus, en alors fait, les vieillissements sont hyper bien foutus. Non, arrêtez vos conneries. Et ce plan du zoom sur la photo, je l'ai trouvé hallucinant, je l'avais pas vu. Moi j'étais vraiment très impressionné. J'ai cru que c'était Benjamin Button. J'ai été impressionné par les décors aussi, quoi. Les décors sont ouf. Ok, bon. Ok, on a. Mais là aussi, non, mais moi les décors, ça m'impressionne toujours. Ah, moi j'ai adoré les portes. Vous avez vu. C'est du cigon, hein, c'est toujours, ce mieux. Toujours un bel acajou, toujours un beau détail sur les poignets. Un mentier, un bel mentier. Alors, après, du coup, pour fêter le rachat du Chronicle et le rachat. Ouais. En fait, c'est l'histoire d'un primaire de plein de fric qui s'achète tout ce qu'il veut, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est un histoire peu connard, de. Hein, c'est... Est-ce que Richie Rich, finalement, c'est pas le. C'est le patron de Bein Sport, en fait. Ils sont inspirés de Bein Sport. Ils ont repris tous les journalistes de Canal+. Eh oui, pareil. Vous avez rien à dire à pas un podcast sport, hein. Et alors du coup, bah, pour fêter ça, pour fêter son propre succès perso d'avoir tout racheté, parce qu'en fait, tu sais, à aucun moment il fait des réussites, il fait juste que des rachats en dépensant son fric. Et en plus tout le monde est fan du fait qu'il achète des trucs. C'est un homme, c'est Kane, c'est Charles Kane. C'est moi. Tu prépares un CD, je crois. Alors n'hésitez pas. Greg, son nouvel album. On a envoyé des maquettes. Aucune réponse pour l'instant. Il y a que Rire et Chanson qui nous ont répondu. Et là, pour le coup, il y a des misses. Quand même, il y a des misses parce que. Oui, enfin. Tu voulais réagir sur les misses ? En fait, je me suis dit, c'est vraiment des hommes riches et tout. Il n'y avait aucune fille, en fait. Et si, là, j'étais. Miss. Oui, mais avant. Donc là, j'étais bien contente de voir un peu des. Des misses. Des misses dans le film et tout. Des petites misses qui se bougent. Franchement, déjà, ça bouge bien. Hein. Ouais. Déjà, pour une sortie. Non, c'était trop. C'est un peu sexy aussi. Bah, il y en a une, franchement, genre, elle fait un petit Beyoncé là. Vous avez la Corée, hein. C'est... Beyoncé, elle s'est inspirée. Hein. En tout cas, c'est plus sexy que le mariachi qui arrive avec que le groupe, quoi. Alors, évidemment, puisque vous l'avez compris, le mec se fait un plus grand cabaret du monde. Pour lui tout seul. Et il fait tourner les serviettes. Il y a dîner spectacle pour sa propre réussite, juste de rachat de société. Je revois les miss là. Ah, moi je fermais les yeux, je les voyais danser. Par contre, Jonas, tu danses vachement bien le French Cancan. J'ai mis les collants, c'est bon. Alors, mes étirements avant. Je fais une petite annonce. Avec Mickaël, on peut venir fêter votre anniversaire et on fait des chansons spectacles comme ça. Qui fête son anniversaire? Anniversaire. Ils sortent d'un gâteau d'ailleurs. Eh oui, en slip. Mais comme ce dans... film a révolutionné. Comme dans Piège à votre mère. Exactement. Le plus grand chef-d'œuvre avant ce de tous les temps. Pardon. Oui, ce film a révolutionné le monde du cinéma, mais également de la musique. Moins de Piège à votre mère. Ça, ouais, c'est moins vrai, que Piège à votre mère, en effet. Oui, de la musique, musique. Effectivement. Ouais, vous avez reconnu un des grands thèmes empruntés par Rihanna. Ah oui. Non, alors la musique, c'est Bernard Herrmann, voilà. Oui. Mm-hmm. J'ai pas de commentaire. La musique de Matrix, après. Alors, du coup, l'idée, c'est effectivement De se marier. De se marier, hein, puisque après, tu reviens d'un voyage. La thune, les meufs. Alors, on reste sur les miss, là, il trouve une nana. Là, il se trouve une petite miss. C'est qui la miss? C'est la nièce du président. La nièce du président. Ah, oh, vas-y, se met bien. C'est le gars, bon il pareil, se met, le gars, il se met en place. Alors là, je me dis, le mec, au début du film, il fait quand même un espèce de truc pour être vraiment droit dans ses bottes au niveau de la presse. Et là, il se marie avec la nièce du président. Ouais, et son tuteur, c'est un des plus grands industriels. Et lui aussi, il a fait plein de business. Comment il fait pour rester droit dans ses bottes? Il doit vraiment avoir un gros mental ou je sais pas, je comprends pas, c'est pas possible. Il a des petites voix dans sa tête. Déjà, il est pas bien. Il y a un mini détail, il faut vraiment se souvenir du film, mais il va revenir d'un long voyage en Europe. Et quand il revient, tous les mecs du boulot, ils avaient gagné la Champions League. Je sais pas si t'as vu une coupe. Ils ont genre une énorme coupe. Effectivement. Ouais. Et donc lui, il va pas en vouloir de la coupe parce qu'il va se marier avec la nièce. Et là, il y a un montage que j'ai trouvé assez marrant. C'est le montage mariage qui vire chocolat. Et Kane qui devient un connard. Tu sais où c'est la même scène de dîner entre les deux qui s'enchaîne et plus le temps passe. Ah oui, oui. Elle est bien foutue cette scène. Moins ils s'entendent. Moi, j'adorais cette scène. Ouais, c'est bien fait. Puis moi, ça m'a rappelé mes parents. tu peux nous en parler. Qui habite à Dijon. Il manquait la baston. Non, donc ouais, non, cette scène est pas mal et surtout on voit bien la transformation de Kane en connard. Ouais. Ah, elle est assez comique en plus cette scène. Ouais. Bah c'est vrai qu'à la fin quand il est devant le match de foot qui réclame sa bière, quand même. Ta gueule. Normalement Kane il... Elle est dégueulasse ta maillot. Ta gueule. J'avais l'habitude d'avoir de la maillot avec mon homard quand je bossais quand au journal. Au président. Au canard là, je bossais. Moi je me casse, je vais au journal. Mais globalement Kane, mais tu l'as vendu il y a 2 ans le journal. Ta gueule. Il fait quand même il est pas super sympa et pendant tout le long du film le seul truc qu'il fait c'est dicter des ordres d'ailleurs. le journal c'est lui qui dicte tout et il dicte des ordres à sa femme. Articles, ouais. Il dicte tellement tout qu'au bout d'un moment il va vouloir faire de la politique et ça c'est pareil quand t'as un journal, tu vois, pour rester vraiment vraiment droit dans ses bottes et pas, enfin c'est à dire qu'il a détruit toutes les règles du journalisme pour être indépendant, c'est à dire être loin du pouvoir politique et loin du pouvoir industriel et économique. Bah lui il est vraiment il baigne dans les trois et du coup c'est un peu c'est pas possible. Ah bah, y a un changement de valeur crescendo là. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu inversement de valeur. Ouais. Mais de toute façon, il va perdre. Une des thématiques du film, c'est que l'argent vient salir les valeurs. Par contre, là, j'ai un truc parce à dire. Parce que le gamin, quand il joue avec la luge, il a les valeurs déjà. Bah oui. Rosebud. C'est un signe de ralliement de ghetto maintenant. j'ai un truc justement en parlant de gamin, il a un gosse. Ouais, ah, mais c'est vraiment anecdotique le gamin. Ah, putain, ouais, c'est clair, on le voit. On apprend qu'il claque avant qu'on le voit même. Ouais, un accident de voiture. Ah oui, le gamin qui fait Rosebud. Ah oui, il est là avec son petit doigt. Rosebud. Rosebud. Par contre, là c'est pareil. On voit pas l'accident de voiture, on voit pas l'accident d'avion. Là encore, c'était une occasion de mettre une explosion. Il passe bien à côté. Il passe bien à côté. Voilà. Encore un échec de Sophie. Voilà. Encore une erreur. Il passe à côté. Pourquoi? Une deuxième rencontre avec une fille. J'avoue, ça, c'est pas mal. Elle est mignonne, la miss. Ouais, elle est mimi. Elle est mimi, chef. C'est dans une pharmacie. En ouais, elle a une rage de dents. Alors, je sais pas si vous avez une rage de dents, mais elle a vraiment le smile. Quoi. Tu vois, soit elle est super défoncée. Soit elle a pas de rage dedans, hein, parce que normalement tu peux pas trop bouger. Alors, il faut savoir qu'ils ont mis tout le budget dans la déco, du coup il n'y a pas de budget figurant, il n'y a jamais personne dans les rues de New York en fait. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, mais attends, on est en 1940, on a pas envie de sortir. Hein. Ah non. Il fait un froid de canard. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle va rencontrer Charles Foster Kane sur le trottoir d'ailleurs où il n'y a personne. Tu peux pas dire avec l'accent comme ça, j'aime bien. Charles Foster Kane. Et elle va lui faire des grosses avances sexuelles. Ouais. Mais je l'ai vu, j'ai fait. Yes. Voilà, ah, le film il commence. Attends, voilà, le film il commence. Et après. Attends, mais tu rigoles, elle lui fait. Vous êtes bien ravissant, hein. Eh, monsieur. Trop frais. T'as pas un monsieur aussi. Elle est mignonne, son petit costume. Et là. Non, et là, je me dis, ça y est, le film il décolle. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Spectacle d'ombre chinoise. Mais surtout, elle le reconnaît pas. Enfin, c'est... normalement, il est censé être connu. Ouais, mais elle, elle passe un peu pour une cruche, quoi. Non, mais surtout, la phrase, c'est j'ai de l'eau chaude. Non, mais attends, elle le regarde dans les yeux. Elle le regarde dans les yeux. Elle sort la langue, elle fait j'ai de l'eau chaude à la maison. Et là, ensuite, ils arrivent chez elle. Et elle fait. Pas à l'eau chaude. Bon, ben voilà, maintenant, moi, je vais vous regarder me faire des ombres chinoises. Non, bah, ça se passe pas exactement comme ça, en fait. Elle sort de la pharmacie avec un jus d'orange qu'elle lui renverse dessus. Lui, c'est une star, du coup, elle invite chez lui. Elle a un coloc complètement barjot. Qui joue aussi dans Spider-Man. Il y a un lézard au bout d'un moment. Donc après le spectacle d'ombre chinoise, elle lui confie qu'elle est chanteuse. Moi je vous confirme que non. Bah si, au début ça va, quand elle joue tranquille dans sa piole. Bah franchement elle pose son flow. Franchement. Non mais au début elle fait juste un petit piano, tac, un piano voix dans la piole, ça fait son effet quoi. Correct, lui il est content, ouais. C'est convenable. Ouais, après, c'est assez dur en tout cas. Chanter un opéra c'est le next step, tu le fais pas si t'as plein de pognon comme Kane. Lui, il y a grand coup de bifton, il va lui payer l'opéra, mais bon, c'est vrai qu'elle méritait peut-être pas. Alors, il y a une raison, puisque Charles Kane fait une campagne politique pour devenir gouverneur. Ah oui. Et ça se passe plutôt bien, parce que bah, vu qu'il contrôle la presse, en fait, il a fait une de journaux, c'est Charles Foster Kane, il déchire, ouais. Avec une photo de lui avec un pouce en l'air. Et du coup, il s'apprête vraiment à écraser son adversaire, je sais plus comment il s'appelle. Gatiz. Et son adversaire, en fait, il a cramé qu'il voyait la petite de blond. Et du coup, il balance à sa femme. Ouais. Et là, il y a méga confrontation entre la nouvelle meuf, l'ancienne, machin. Ça, c'était pas mal. C'est assez compliqué. Hein, comme... Moi, j'étais chaud. Hein. Il y avait les shotguns, il y avait tout. Hein. Il y avait tout pour. Moi, faire je me suis dit, je me suis dit, ça va partir en baston féminine. Ça va faire un chocolat. Voilà. Hey, très bien employé, bravo. Bien placé. Merci. Puntos. Hop, je mets. Jonas, c'est zéro. Hein, pour Et alors effectivement, le méchant sénateur, il lui fait un ultimatum. Il dit. Tu te retires de la vie politique et je t'arrose pas dans la presse que tu possèdes pas. Ou sinon, bah voilà, je révèle machin et c'est sûr que tu vas perdre et en plus tu vas être noyé dans la boue machin. Il s'en fout lui. Et lui il fait. Ouais. Tu crois que tu me domines? Tu crois c'est qui domine? Tu crois que tu vas deux pour deux. L'écart se creuse. Et du coup il va faire bas les couilles. Il y a personne qui me domine. Il va s'énerver. Il va refuser. Et il va dire une expression que j'ai pas compris. C'est quoi les bails? 2, 1. Il va pas dire c'est quoi les bails. Il va commencer à le menacer. Il va lui dire ouais, machin, fils de pute, je vais t'éclater et tout. Et à la fin, il fait je vais t'envoyer à Sing Sing. Alors moi, je sais. Dire quoi, j'ai fait ma recherche. Sing Sing. Il y a une chanson de Garou. Sting. Non, c'est une prison. En fait, j'ai fait ma recherche, c'est une boîte de transsexuelle thaïlandaise. C'est pas le même. Voilà. À Singapour. Mais ouais, c'est une prison à New York. Exactement. Ouais. Le long de l'Hudson. C'est vrai? Ouais. Mais oui, d'accord. Putain, attends, on va te le dire quoi? On a travaillé là, ça mérite un Puntos. Puntos, effectivement. Oui, Est-ce que c'est une prison où il y a des mecs qui prennent en otage les visiteurs pour l'envoyer éventuellement avec du gaz sarin, tu sais, dans les boules? Ah non, c'est ça, du gaz VX. J'ai pas quoi, quel film tu fais référence. Jazz, je crois que ça s'appelle. Et alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Méga défaite, méga divorce. D'ailleurs, moi je comprends pourquoi en fait il y a eu défaite, parce que vous avez vu là, sa tronche sur le poster de campagne. Oui, il a un double menton. Ouais, parce que en fait, c'est Orson Welles à la fin de sa vie qui a été rien incrusté dans le film. Georges Lucas qui a fait ça. C'est des rééditions du film en 3D où ils ont remis le vrai le visage vieilli d'Orson Welles pour vieillir le personnage. D'ailleurs, il y a un Jabba le Hutt qui se bat dans le fond. D'ailleurs, toutes les dernières scènes, c'est des trucs en 3D, je trouve ça moche. Et d'ailleurs, dans le dépotoir final, à la fin, il y a l'arche perdue. Alors, du coup. Le dépotoir final. Les statues, monsieur. C'est Château de Blassard. Ah oui, c'est vrai qu'il est obsédé par les statues. Ouais. Oui, il est obsédé par les statues. Ouais. Ouais. On se demande pourquoi. Il est obsédé par l'achat de statues. Ouais. Ouais. Il peut faire, il a plein de pognon. Et il a de la place aussi, surtout. Alors, du coup, c'est le moment du deuxième mariage. Il va se marier avec la nouvelle, avec la Suzanne. Avec la cruche, on peut l'appeler la cruche. Il va se marier avec la cruche. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la presse, ils l'ont vraiment sali parce qu'ils ont fait des unes de journaux où c'est écrit Charles Foster Kane et la chanteuse entre... La cruche. La cruche, chanteuse entre guillemets, ensemble. Et du coup, lui, pour rattraper le coup, il va se marier avec elle. Mais sauf qu'elle n'est pas vraiment chanteuse. Donc, du coup. Elle chante super mal, je crois. Il va elle lui acheter un opéra. Non, mais là où il aurait pu, tu vois, faire. Ok, bon, l'opéra, on va peut-être attendre un petit peu. Ou alors, tu veux pas juste gérer la programmation, un truc comme ça. Fait, en même temps. Non, on va acheter un opéra, et puis c'est toi qui vas chanter dedans. De toute façon, c'est moi qui a choisi. C'est toi qui vas faire ça. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est. Toi, tu fais quoi déjà? Opéra? Ouais, mais ça, je peux construire. Bah, ceci dit, moi, je cours le dimanche et on m'a payé un stade d'athlétisme. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Non, mais limite, la meuf, elle veut, tu fais quoi? Je suis serveuse dans un dîner. Bon, bah, ça va, je peux construire. Ah, ça me coûte, hein, j'ai peur que tu me dises opéra. Donc, à grand coup de pognon, il paye quand même un bon prof italien pour qu'elle essaie de progresser. Bon, enfin, pour qu'elle progresse, sauf que ça marche pas. Première représentation, elle flippe pas, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle chante mal. Son prof lui dit ça va pas. L'autre, il lui met un coup de pression, un coup de dollar, genre, si tu veux rester ici, mon gars, tu vas continuer à lui donner des cours, c'est pas toi qui choisis, c'est moi qui paye. Bon, c'est vrai que c'est un dominateur, lui. Une domination totale. Putain, domination en fait, s'il y avait un remake aujourd'hui de Citizen Kane, ce serait The Rock. Domination 1900, mais un truc de... Il ferait un bras de fer, un doigt sur le piano. Oh. Domination 1900, arrive la première, elle s'est toujours pas dit, je vais peut-être pas la faire quand même. Et là, elle se jette dans la gueule. Mais surtout, elle se dit pas, putain, il est un peu dingo quand même, Charles, là. Donc, humiliation totale, humiliation 1900. Humiliation par le genre. Humiliation 1900. Et elle continue. Et elle continue, c'est-à-dire que l'autre, il lui dit, non, tu continues ton truc avec la musique, là, j'en ai rien à foutre, t'as commencé, tu finis. Et elle, bah, elle se laisse dominer, et puis elle continue à chanter, à s'humilier chaque jour. Enfin, je veux dire, c'est pas vivable. Alors, elle se fait humilier par la presse. Ouais. Pas toute la presse. Alors, puisque... Surtout par... Alors, il va retourner voir son ami Jebediah Leland, à Chicago, qui s'occupe du Chicago Inquisitor, qui est un autre journal. Et bah, de la même, du même groupe, en fait. Ouais. Et je pense qu'il se fait un peu chier dans la ville, Leland, parce qu'il s'est fait un petit zapage sur sa machine à écrire. Il colle pas mal. Ouais. Il faut quand même être bourré pour s'endormir sur une machine à écrire. Ouais, parce que ça pique un peu plus qu'un clavier. Hein. Là, tu te réveilles, t'as des belles marques. Bah, t'as l'alphabet sur la gueule. Et Kane, il s'en fout complètement, il parle super fort. Ah oui, ouais. En plus, alors qu'il pourrait laisser dormir tranquillement. L'autre, ça doit lui piquer, il doit avoir un mal au casque, mon pote. Mais ce qui paraît, il a pas hésité à charger, c'est pour ça qu'il n'entend pas Kane ni rien. Et en fait, il s'avère qu'il s'était endormi sur un article qui concernait justement la femme de Kane, ou vraiment. Qu'il l'a clashé à mort, quoi. Bah, c'est de la merde. Là, il la clash, mais de ouf, quoi. Mais c'est pareil, Kane, après une représentation à l'opéra qui finit vers 23h, un truc comme ça. En général, il va au journal voir ce qui se passe. À Chicago. Il dit, tiens, je vais me faire un petit article là, avec une bouteille de whisky. Et là, le mec a écrit 2 lignes, s'il te plaît. Donc, soit il picole. C'est très bien. Le mec était à bout, il a fait, c'est de la merde. Et l'autre, il a fait, il a dit que c'était de la merde. Mais moi, comme je veux garder l'indépendance de la presse, je vais continuer son article en disant que c'est effectivement de la merde. Et l'autre, il fait ça. Non, mais surtout, j'imagine trop le gars, tu sais, Jebediah qui est hyper débranle. Bon, alors. C'est de la merde. Alors, Med, merde, j'ai écrit Med. C'est alors... une connasse. C'est le mec qui règle ses comptes avec tout le monde. Et l'autre connasse. Du coup, Jebediah, il se réveille. Il se réveille, mais il fume un cigare au réveil. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'il doit avoir la gueule de l'enfer. Il doit avoir une sale haleine quand même. Hein, le premier truc qu'il fait. Ah ouais, lui, c'est pas du Ricola, hein, mon pote. Ah ouais, lui, il se réveille, c'est hareng fumé dans la pièce. Quoi. Et alors, il va se réveiller et il se rend compte que son ami est en train de terminer l'article. Hello, Jedediah. Hello, Charlie. I didn't know we were speaking. Sure we're speaking, Jedediah. You're fired. Everybody knows that story, Mr. Leland, but why did he do it? How could a man write a notice like that? You just don't know Charlie. He thought that by finishing that notice, he could show me he was an honest man. He was always trying to prove something. That whole thing about Susie being an opera singer, I was trying to prove something. You know what the headline was the day before the election? Candidate Kane found in love nest with... Voilà. Et voilà. Voilà, c'est bon, vous avez compris. Ah, le cinéma de minuit, quoi. Là, on voit Orson en fait Welles, donc Leland. 1941. Là, on voit Leland qui donc est vieilli. Et putain, on dirait le vieux de Jackass. De Jackass. Mais quel vieux? Le vieux. Vous avez le père de Bam Margera. Mais non, le il est personnage. Trop bad, c'est trop pas lui. Ça dire. Mais non, le personnage vieux quand il se déguise en vieux. Ah oui, quand il se déguise en vieux. Oui, non, mais c'est ça. C'est trop ça. Oui, t'as raison. Ouais. Surtout, il est tout le temps là. Eh, t'as pas un cigare? Oui, c'est vrai. T'as pas un petit cigare pour les infirmières, elles veulent pas que tu vives. Surtout, une fois de plus, elles vont pas sortir son haleine de chacal. Quoi. Et donc, parce qu'avec l'âge, ça s'arrange pas. Hein. On retourne dans le passé et Charles Foster Kane, il n'a qu'une seule conscience, ou plutôt il a envie de faire chier tout le monde. Donc il va écrire l'article assassin sur sa propre femme, histoire de la mettre encore plus au fond. Quoi. Déjà, ça va pas bien, tu vois. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'il fait ça pour genre, moi je me préserve parce que moi je veux vraiment montrer que chez moi c'est libre. Je vais éclater ma propre femme. Par contre, je vais mettre un gros coup de pression à tous les autres journaux pour qu'ils disent que c'est bien, pour qu'ils continuent à le faire. Mais c'est quoi le truc? Je comprends pas là, sérieux. Donc ensuite, c'est le montage un peu solitaire et vitriste. C'est ce montage suicide de la cruche. Elle s'est suicidée. Et en plus, il y a un moment quand elle chante. Je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière elle, elle a une espèce de. J'ai cru qu'elle allait encore dire qu'il y a Claude qui remettait des meubles. Il y a un mec qui joue de la harpe comme ça. Vous reverrez sa gueule, c'est énorme. Elle a trop joyeux, genre oh putain, qu'est-ce que je prends là. Oh putain, c'est la chance de ma vie. Et on lui connaîtra une carrière incroyable puisqu'il aura joué dans Citizen Kane. Mais c'est celui qui joue la harpe avec ses dents puis qui casse la harpe à la fin. Ah oui, et qui met de l'essence de briquet sur sa harpe. Allez, montez les flammes. Elle est un peu sapée, elle est Lady Gaga pendant le on dirait, quoi. Ouais, avec de la viande là. Et alors ensuite, c'est un peu la vie de merde qui s'installe. Ils vont vivre du coup, je pense que la fin de vie c'est à Ouagadougou là, comment c'est, à Xanadu. Pas tout à fait pareil, mais et donc ils vivent dans un palace qui est vraiment super grand. Ah, c'est mais grand, mais c'est genre même la cheminée c'est un T2. Ah, mais grave. J'ai la cheminée mais des arbres entiers dedans, je sais pas si vous avez vu. Un moment il fait je vais près du feu. Le gars il va dans la cheminée. Oh putain, il y a une piscine. Ça m'a Oh putain, il y a des chiottes derrière. Et alors, c'est-à-dire que tu te rapproches un peu trop de la cheminée, t'as les habits qui crament. Et alors du coup, elle se fait des gros puzzles. Ah ouais. Putain, si elle prend pas du Xanax, elle va vraiment se faire chier. Non, ça c'est une métaphore pour de la dope. Hein. Elle est super bien habillée et il n'y a jamais personne qui vient la voir en fait. Ah oh, bah faut être coquet pour faire un puzzle quand même. Alors, en même temps, elle chante mal. Hein. Alors c'est un petit morceau, mais tu vois, dans Citizen Kane, c'est un puzzle. Dans Scarface, c'est des montagnes de coke qu'elle se prenait. Non, mais c'est vrai que c'est le même schéma. Non, mais c'est exactement le même schéma. Elle se détruit, sauf que là, elle se détruit par le puzzle. Ce qui est vachement plus lent. Hein. Destruction par le puzzle. Elle les enchaîne, les puzzles. Hein. Ah ouais, franchement, tu peux vite mourir comme ça. Puis franchement, elle fait des beaux 3000 pièces. Putain, des paysages nuageux. Je te promets que c'est super dur. Non, mais en vrai, je pense que si on t'oblige à faire des 3000 pièces dans un palace, enfin dans un château mais comme ça. Mais tu tiens deux jours. Je préfère encore prendre de la coke tous les soirs. Tu meurs plus rapidement que si tu prenais de la coke tous les soirs avec Scarface, quoi. Même avec Scarface dans la maison, quoi. Et alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Ça aurait été marrant que ce soit l'inverse, que Tony Montana, il fasse des puzzles. Les montagnes de puzzles sur son bureau. Ah oui, tu veux jouer à la vache. Tu veux jouer à la vache. La scène finale, il met la tête dans une montagne de pièces de puzzles. Puis le reste une petite pièce dans le truc. Et la meuf dans Citizen Kane qui fait un puzzle avec des petits grains blancs, super dur. Et moi, en tout cas, elle, au bout d'un moment, elle va craquer, elle va décider de le guélar comme une merde. Ah, c'est sûr, c'est plus la même limonade. Bah, ça a plus. Ah, c'est sûr. Oh, oh, boum, 2-2, qu'est-ce qui se passe? Ça va se jouer, la belle. Non, avant, il faut savoir que juste, j'ai un petit, une petite anecdote. Pour les auditeurs de Londres. Tu nous envoies de l'argent encore. D'ailleurs, merci d'ailleurs pour les versements. C'est un peu Xanadu ici. Hein. Putain, le... ça, c'est grâce à la thune de Londres. Bah, là, le vélo que tu vois, ça, c'est Londres. L'écran plat, celui que. Non, l'autre, celui qui est derrière. Ça, c'est Londres. Faut préciser qu'on en réside dans un jacuzzi. J'ai chaud. Et tout le matos. Tout le matos est étanche, ça coûte deux fois plus cher. Tropicalisé. Bah en fait, si tu veux, pour casser un petit peu l'ennui, il organise un pique-nique. Bah alors, c'est un pique-nique. Ah, raconte le pique-nique, j'ai éclaté derrière. Alors, quoi. Le pique-nique, c'est pas une bouteille de rosé et du saucisson posé dans de l'herbe. Ah non, c'est une vache entière. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. C'est méchoui, quoi. Alors, ils viennent à 800 bagnoles. Il a racheté un kebab. Il s'est reconstruit un kebab au barbecue. Sa toile de tente, mec, c'est un hôtel 5 étoiles. Il a des fauteuils, il a les mêmes que chez lui au pique-nique. Bah, ça sert à rien d'aller au pique-nique. Le mec s'est recréé, et le mec s'est recréé son salon, tu sais. Il arrive au pique-nique, il fait au gars. C'est possible de me reconstruire la maison là. J'ai envie de me sentir chez moi. Ce qui est marrant, c'est que tout au début du film, on voit des gros stuff à Xanadu. Et après, on n'en verra jamais, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous rappelez, au début, il y a des gens qui sont dans la piscine et tout. Ouais. Et ouais, après, il y a que dalle, tu vois. On avait vraiment envie de les voir, ces fêtes. Non, ça a l'air super chiant. Bah d'ailleurs, c'est les images ont été reprises dans les clips de Dr. Dre, je crois. Les images de la fête de Xanadu. Là, anecdote, pensez à Julie. Bah, le fond qu'on voit avec la jungle. C'est un dessin que... Non, je crois c'est que c'est Claude qui l'a amené. Ça vient de King Kong, en fait. Ça vient de King Kong, je crois. Ouais. Genre, même si tu peux faire attention, il y a des oiseaux chelous qui passent. On vérifiera ça, on demandera c'est ça. C'est pour ça le gros singe. Là, je suis pas sûr. Là, je suis vraiment pas sûr. En tout cas, je sais qu'il y a certains plans du film qui sont des dessins. Ouais. Son discours politique, là, c'est un dessin. Son flyer, entre guillemets. Ouais, son flyer, exactement, Mickaël. Bon. Allez. Son diaporama. On avance. Tiens, reprends du puzzle. Et alors, quand il va se faire guélard, il va vraiment pas le supporter et il va tout casser dans la chambre. Ouais. Alors, oui. Sauf la boule Rosebud. Qui va garder. Il dit, ça, je me la garde pour plus tard. C'est pas du tout Rosebud, c'est. Sauf la boule Rosebud. Ça n'a rien à voir avec la boule. Il va pas crasser le Rosebud. Moi, j'ai regardé un petit peu de manière précise les images. En fait, il casse tout. Non, il fait les valises d'abord et après il. Ah ouais, il lance les valises. Voilà, il fait du lancer de valises. Et ensuite il casse tout, il arrache même les étagères. Mais ça c'était fixé avec du clou ni vis. C'est pas fixé correctement. Trop ça. Mal fixé en 1940. Trop fixation 1900. Franchement. Ah non, mais c'est de la gnognotte. Et là c'est pareil, il casse tout. Mais franchement, il casse trop mal. Tu sais, mais aucun coup de pied, mais rien. Tu sais, juste il tire vite fait. Bon, franchement, ça aurait été Michael Bay. L'assiette elle explose. J'avoue, ça il renverse une valise. La jambe elle éclate. Ensuite. Et malheureusement, c'est le plan final. Le journaliste qui enquêtait va discuter avec le majordome et tout ça. Et on se rencontre, donc on retourne au temps présent, qu'ils n'ont pas réussi à savoir ce que c'était Rosebud. Mais qu'en fait, ils s'en foutent un peu. Et d'ailleurs, nous aussi, oui, et en plus il dit, mais au final, même si on avait eu, c'est la clé de rien du tout. C'est juste un mot, bah les couilles. Bah ça, c'est un peu ce que tu dis quand t'as raté, quoi. Parce que il avait trouvé le mot, il aurait fait c'était vraiment clé, c'était capital, et heureusement que je l'avais. Non, c'était une luge. Putain, c'était une luge. Mais imagine, il trouve ça, il claque vraiment 1000 balles, tu sais, pour payer le gars à la bibliothèque. Il paye. Le majordome, ils ont claqué 10 000 balles sur son enquête, et à la fin, il dit j'ai trouvé. C'est ce qu'il avait marqué sur son chariot. Sur son super. Chariot. C'est un clodo. Il pousse son caddie. Rosebud. Rosebud de Penny. Qui veut les Rosebud? Des boules à neige. Mais j'ai les boules à neige. Des chanteuses. Alors J'avoue d'avoir un peu été déçu par la fin, parce qu'au final, moi je m'attendais à un complot, un truc de dingue. Ouais, mais ça c'est parce que le cinéma moderne, si tu veux, nous a déjà dans les années 40, t'avais quand même des. Nous a habitué à des schémas de type thrilling, avec effectivement une fin en twist, excusez-moi. Moi je m'attendais. Hitchcock était déjà là quand même en 1940. Ouais. Il avait fait déjà des films de ouf. Ah, avec mais c'est inspiré. Ouais, non, mais enfin. Le reveal. Sauf que là, c'est pas une enquête sur un meurtre, c'est juste l'histoire de sa vie. Et ce mot, finalement, qu'est-ce qu'il exprime? Est-ce qu'il n'exprime pas finalement une enfance perdue à la Michael Jackson? C'est celui qui a construit son royaume, là. Puis ça, putain, c'est vrai qu'il avait construit ouais, Wonderful Land. Wonderland. Puis il les refait pareil. Hein. Avec les puzzles et tout. Et donc à la fin, effectivement, il y a ce petit trailing sur les milliards de choses qu'il stocke. Syndrome de Diogène. Trop de culture G là. Et ensuite on voit un mec qui balance une luge au feu en mode c'est quoi ça, bat les couilles, on jette. D'ailleurs il y a un mec qui dit ouais jetez-moi tout ça, et le mec il jette des lyres, tout ça, des mandolines, des tableaux quoi, il craque tout quoi. C'est quoi ça, oh, genre on va trop galérer à le revendre, on fait quoi de ça, c'est quoi Château Latour, vas-y balance. Vas-y balance, ça se conserve pas. Tous les instruments de musique poubelle, on brûle. Tous les tableaux, on brûle. Les statues, on les garde, de toute façon ça brûle pas. Tout le reste, on brûle. Statues, on va les casser. Putain, ça n'a pas de bras, la pénis. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? Bah moi je m'attendais à la fin du générique qu'il un cliffhanger hein, comme dans Avengers hein. Bon. Non, il y aura pas de Citizen Kane 2 apparemment. Ça a pas été prévu. Non, ça a pas été prévu. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors j'ai 7 commentaires 5 étoiles quand même sur Citizen Kane, il y en a quand même pas mal, il y a très peu de commentaires 0 étoiles. On commence avec La Vieille 3 qui dit... 1940. Soit c'est un petit blagueur, soit c'est quelqu'un de très lucide. Je pense qu'elle l'avait vu à la sortie. Ce film, vu en avant-première avec toute l'équipe. Alors elle nous dit Rosebud, 5 étoiles. C'est tout. Je crois qu'elle a beaucoup de mal avec tout du clavier quoi. Elle parlait du code Michel. Ça là on la coupera pas. Putain, on peut pas la couper et du coup on est obligé de laisser l'extrait d'avant. Pour que les gens comprennent. J'ai une déontologie. Ensuite j'ai JCVD profession philosophe. Bon il est un peu ironique évidemment. Ça m'a fait rire, il fait ouah wow, truc la balle ce film. Il parle de Citizen Kane. Je kiffe à donf. C'est méga ouvert, trop cool. Regardez-le, 5 étoiles. Et ça, c'est beau. Je pense qu'il a fait, ce mec-là a fait ça sur au moins 6000 films. Et à chaque fois, il fait j'espère qu'on va me remarquer enfin. Ensuite, on a Ukami Jinro qui nous dit oh, je le recommande. Hein. Alors là, je dis vraiment bravo. Hein. Je ne peux pas vous le cacher, ce film a conquise. On a vraiment deux manières de voir ce film. Soit on considère Kane comme un gros con, soit on prend pitié de lui, il devient alors juste l'homme qui sait pas exprimer ses sentiments. C'est ce que tout le monde lui reproche d'ailleurs dans ce film. J'ai aimé la manière de tourner, j'ai aimé le scénario. Un film simple de moins de 2 heures, qui émeut autant, qui nous fait comprendre combien la nature humaine est complexe et que pour chaque personne, il existe des versions antagonistes d'une même personne. Ouais, enfin, quand t'as beaucoup, final... beaucoup de pognon, c'est pas... Pardon, je t'ai coupé. Oui, tu m'as coupé. Au final, il est très difficile de comprendre le personnage dans son intégralité. Et ce n'est pas le fait de rester sur sa fin, par le fait que Rosebud ne verra jamais découverte qu'il arrange. Ça veut rien dire. J'ai rien compris la dernière phrase. Je peux vous la refaire. Au final, il est très difficile de comprendre le personnage dans son intégralité, et ce n'est pas le fait de rester sur sa fin, par le fait que Rosebud ne verra jamais découverte qu'il arrange. Oh, je préfère quand c'est Vin Diesel. Hein. Mais j'ai sincèrement, et peut-être naïvement pour ceux qui pensent que Kane est juste un but de lui-même, que c'est vraiment un pauvre homme battu par son père, privé de tout amour maternel. C'est cela qui pour moi engendre cet homme à l'aspect si froid, mais qui en fait n'est resté qu'un enfant en mal d'amour, sans pour autant pouvoir exprimer le sien, 5 étoiles. C'est beau. Oui, c'est bon. C'est une belle analyse. Hein. C'est une belle analyse. Je l'avais pas vu sous cet angle-là. Ensuite, on a Apil qui dit... C'est toujours difficile d'écrire une critique sur un vieux film. Déjà parce que nos codes ne sont pas les mêmes. Aussi parce que dès lors qu'on s'attaque à un monument, très difficile de ne pas raconter des âneries. Preuve que non. Là, on vient de faire une démo de 50 minutes. Simplement donc, je dirais que j'ai fortement apprécié ce film, que sa réputation de meilleur film de tous les temps le dessert. C'est écrit comme un dessert. Car même si je n'en pense pas de même, il faut, à mon sens, se détacher des lauriers. Car quand j'ai regardé Sueur froide, j'en attendais énormément, si bien que ça s'est fini en effet soufflé au fromage. Cela gonfle et cela se ratatine. Ensuite, on a Pure Pleben. Alors lui, il est énervé. Le meilleur film de tous les temps, tout simplement. Ceux qui nous diront le contraire n'auront tout simplement pas de goût. Que vous n'ayez rien à faire du cinéma. Que votre truc à vous, ce soit la littérature, les mangas, la série télé, la musique, la trottinette, la moquette ou la vaisselle. Donnez-vous la chance d'acquérir un tant soit peu de culture en visionnant ce chef-d'œuvre intemporel. Bordel! Mais même la bande-annonce est d'enfer! D'enfer! Une œuvre qui rend meilleur celui qui le regarde, j'en suis persuadé. Bah, pas lui, hein, s'inquiète pas. J'avoue, c'est un. Je vais être assez violent, mais ça a l'air d'être un gros connard bien imbibieux. Je pense qu'il dit tout ça juste parce qu'il faut le dire, tu sais, parce que ça fait bien d'aimer ce film, quoi. Je suis sûr qu'il l'a vu en faisant. Putain, c'est nul. J'ai dit, je sais bien. C'est nul. Et tu sais, après, il y a sa meuf qui fait t'as aimé? J'ai adoré. J'ai adoré. Putain, j'ai préféré. Fast and Furious. Je peux même pas le dire. Le patron, il fait. Ouais, j'ai trop envie de remater Fast and Furious 6. T'as aimé, chérie? J'ai adoré. C'est le meilleur film de tout. Il a rangé sa chérie. D'ailleurs, je vais faire un commentaire directement sur iTunes. Je vais tout de suite aller sur iTunes et après, j'irai sur Yelp pour dire que j'ai bien aimé aussi un resto hier. On continue avec Old Boy qui nous dit. Un film quand même déclaré meilleur film de tous les temps. Ça m'a fait penser à toi un petit peu, Greg, tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi il n'a pas pris une ride? La représentation de la personnalité des protagonistes n'est autre qu'innovatrice. Le film est tout simplement engagé et sonne juste. Tout il à a, fait. Il a inspiré des personnages comme Picsou. Et oui, lors d'une de ces histoires, Picsou traîne derrière lui une certaine luge appelée Rosebud. Ah bah 5 étoiles du coup. Et on finit avec Jean-Pierre Siguer. Pardon. Oui, vas-y. C'est juste pour dire des vulgarités. Non. Mais... excusez-moi, pardon. Alors, Jean-Pierre Seyer qui nous dit « Rien à ajouter sur ce film, qui a déjà été écrit par d'autres. Bon, on se dira sans doute que de ce fait, mon commentaire n'apporte rien, mais je tenais à l'exprimer, 5 étoiles. » Merci, Jean-Pierre. En effet. C'est le plus grand boss de toute la ville. Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville. Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars. Wouh. En suivant Pipi Loulou. Wouh. C'est bien la musique. Mais elle est super bien. Je suis allé les voir en concert, moi. Bah, t'écouteras la... C'est la ligne de base de Justice, mec. C'est sûr. Le plus riche. Canard. On te met le livre. Le plus roublard. En suivant Pipi Loulou. Ok, on va parler après. On écoute vraiment tout maintenant. Oh oui, ah. Ouais, c'était une belle transition. Je vous laisse jusqu'à la fin du coup. C'était notre avis et celui des autres sur le film Citizen Kane. On remercie les gagnants. Alors, on remercie les deux gagnants. Merci à vous. Bravo d'avoir gagné. C'est vrai que ça veut nous remercier. On remercie Londres, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Londres. Ouais, on n'avait pas dit qu'on arrêtait ça. Ah bon, d'accord. Ouais, mais je reprends. J'ai envie de reprendre parce que les versements ont repris. On remercie aussi tous ceux qui ont participé au concours. On leur dit, bah écoutez, voilà. Pas de chance, il y avait des gens meilleurs que vous. Je m'engage personnellement, sachant que je m'en fous complètement, mais je m'engage quand même personnellement, il y aura un autre concours de ZHDP. Mais oui. L'an prochain, puisque il faut que ça tourne. Ah mais c'est vous qui allez gagner. Vous qui allez gagner. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message? Dédicace à toute la famille peut-être. Dédicace. Hein, comme ça. Hein. Jonas. Moi à mon frère qui a découvert que je passais en même temps qu'il écoutait. Ouais. Angéline et Océane. Voilà. Et à la cité? Évidemment. Au 9-5 en force. Vous citez que 2-3 gars de la cité. Quand même. Mon frère du Bled. Qui sont restés là-bas. Ouais. Moi, je n'ai pas d'amis, donc juste à Simon qui m'a permis de venir aujourd'hui. Voilà. Gentil. D'accord. Simon. Et tu dors où ce soir, Antti? Parce que c'était une grande question, ça, du coup. Ouais, alors, j'ai 4 choix devant moi, donc on verra bien. Ouais, tu nous proposes de l'idée, chaud, l'idée, c'est de m'envoyer 2 pintes, après je choisirai au feeling. Ça va virer chez toi, là, tout ça. Ouf. Désolé. 3-2. 3-2, tu es la grande gagnante. Ouais. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des ailes de l'enfer. Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.